Et bonjour à tous, nous y sommes, la semaine de l'improvisation avec un Impro Station spécial semaine de l'improvisation pour cette année 2016. Et nous serons là tous les jours de la semaine, de midi à 13h. À mes côtés, vous l'entendrez bien sûr très vite au cours de cette semaine, Victoria qui reprendra l'animation quand moi-même Bibi serait parti, claquage d'impro, hein, on peut se claquer l'impro, ça peut arriver. Et justement, tiens, on a des invités, bien sûr, comme vous le savez, le principe c'est qu'on improvise à la radio. Aujourd'hui, nous avons les premiers invités de cette semaine de l'impro, et non des moindres, des hommes velus, poilus, tous poilus, et plus ou moins chevelus. Alors, le moins chevelu, monsieur Laurent Bousson, ça va ? Salut ! Comment ça va bien ? Salut. Ouais, salut. Comment ça va, Laurent ? T'es toujours à Besançon ? Toujours à Besançon, ouais. Et tu es venu pour la semaine de l'impro ? Exactement. Et tu passes toute la semaine ? Et je suis là jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi ? Ouais. Ah ouais ? Eh oui. Quand même, on va manger du bousson jusqu'à vendredi. Ah, vous allez bouffer du bousson. Bouffer du bousson. Très bien. À côté de toi, un homme. Alors, bien sûr, mais lequel ? Parce qu'il y en a deux encore. Il est chevelu un peu plus. Et en plus, il a de beaux cheveux blancs. Ah oui, monsieur Jim Toutain, ça va bien ? Ça va très bien. Alors, bonjour. Jim Toutain, toi tu nous viens d'où si, pour ceux qui ne te connaissent pas. Hein. Je viens de Le Havre, une petite ville située dans l'ouest de la France, en Normandie. Alors vous avez remarqué, il dit bien de Le Havre et non du Havre, c'est ça ? Non, on dit du Havre, mais c'est parce que je voulais faire une vieille vanne toute naze. D'accord, très bien. Et toi tu es là toute la semaine de l'impro ? Alors, moi je suis là jusqu'à samedi. Sauf si je trouve une fiancée. Et alors là, je peux rester un peu plus longtemps. Ah, tu es en recherche. Tu es en recherche, mon petit. Je suis sur le marché, oui. Tu es sur le marché. Là, attention, l'info est passée direct. Dans les deux premières minutes, c'est parti comme ça. Ok, ben, j'espère, on te souhaite de trouver une âme pour que tu restes. Parce qu'en plus, on l'a déjà vu effectivement aussi ce week-end dans le cadre du kino. Il est très présent, il est charismatique cet homme-là, monsieur Jim Toutain. Avec plaisir, merci d'être là avec nous. Un autre guéluron, nancéen, ouais, luron plus, enfin bon, ouais, un guéluron parce qu'il sait mettre l'ambiance, il est très énergique, hein, il envoie de l'énergie, il est chevelu aussi, il est barbu, hein, vous savez qui c'est ? Monsieur Thomas de Seine, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va bien, fatigué, mais ça va. Fatigué de quoi ? Fatigué du kino de ce week-end, ouais. Où on dort très ouais, peu. Ouais, c'est vrai. Avec une belle, un beau film, hein, que, très sympathique, qui s'appelait comment là, le tien là ? Qui s'appelait La Broforce. La Broforce, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et non, c'était très sympa, belle idée. Bien sûr, vous pouvez redécouvrir tous ces films bientôt sur YouTube. YouTube Kino 2016, Kino Nancy 2016, voilà, c'est tout ce que vous tapez dans votre moteur de recherche et vous trouverez ça. Il y a une quarantaine de films, c'est juste énorme. Plus ou moins long, hein, il y a des choses très courtes. Et plus ou moins bien. Et plus ou moins bien, mais ça c'est autre chose. Alors bien sûr, vous connaissez le principe, vous allez pouvoir nous donner vos thèmes en direct, le temps que je me connecte sur le réseau social bleu. Vous pouvez laisser vos messages en direct et bien sûr le principe, on va vous faire part aujourd'hui de la programmation de la semaine de l'impro qui est l'événement d'impro à Nancy cette année bien sûr et tous les deux ans, on verra si ça revient tous les ans par la suite. On vous fera part de ça au cours de l'émission, bien sûr on va aussi improviser et c'est ça le principe. Messieurs, est-ce que vous êtes ok pour improviser ? Tout le monde connaît l'émission ? Ouais. Ouais. Je connais un peu, mais. Bah, t'as déjà fait le gym, là ? Oui, j'ai fait ça il y a quelques années déjà avec vous. Ouais. Voilà. Eh ben voilà. Tu étais encore en noir et blanc. Voilà, c'est ça. Alors, là, le principe, c'est que je vais vous mettre une ambiance sonore de film qui va être une intro. Et quand je baisse le son, vous allez pouvoir improviser en vous inspirant de cette ambiance sonore. Alors, la petite jingle de début d'impro, hein, Victoria, je te montre en même temps. Là, j'appuie dessus, là. Pif. Et c'est parti. Et après, je lance le son. Colonel, qu'est-ce que vous faites ? Je prépare le plan d'action. Vous faites ça à une vitesse incroyable. C'est parce que, à l'école militaire, on m'a appris à être efficace. Allez plus lentement, s'il vous plaît, colonel. Colonel, excusez-moi de vous déranger. Moins vite, malheureux. Colonel, il se passe des choses dans la base. J'ai l'impression que certains militaires sont en train de se mutiner. Enculé ! Oui, j'ai bien cru entendre un ordre de commandement. Je retourne là-bas. On va brûler ta chambre ! Je me rends de ce pas sur les lieux. Colonel, allez-y lentement. Oui. Colonel ! Ce couloir est interminable. Colonel ! Une seconde. Colonel ! J'arrive. Trop tard. Ah, zut. Colonel ? Oui. Votre sang, il coule beaucoup trop rapidement. Et cette couleur, elle n'est pas tout à fait naturelle. Du sang vert. Colonel. C'est parce que je suis moi-même pas très naturel. Vous êtes un droïde. Oui. Vous m'avez démasqué. Je suis un droïde. C'est pour ça que votre vitesse n'était pas humaine, colonel. Non. Vous alliez beaucoup trop rapidement pour l'humanité. Mais je ne suis pas le seul. En fait, vous êtes les deux derniers humains à l'intérieur de cette base. Et ce point rouge qui clignote sur votre front, qu'est-ce que c'est ? Un décompte ? Oui. Une minuterie ? Bien sûr. Dans peu de temps. Ne me dites pas que c'est la fin de notre monde. C'est la fin de votre monde. À présent, l'avènement des droïdes est arrivé. Les droïdes contrôlent déjà la base militaire. Les droïdes contrôleront bientôt la ville. Et bientôt, les droïdes contrôleront bientôt la planète entière. Oh merde. Où sont les autres humains ? Vous êtes les derniers. Bien post-apo bravo, du voilà. Lundi. Première impro effectivement posée avec une ambiance suspense respectée. Et nous accueillons en direct Monsieur Charlie Toutain. Alors, oui, juste une petite. Quand vous criez, reculez-vous, oui, voilà, parce que moi là j'ai saturé, j'ai plus d'oreilles. Alors, Monsieur Charlie Toutain, on l'accueille avec grand plaisir. Il va se mettre sur le micro orange, c'est ça. Bien vu, Victoria. Comment ça va, Monsieur Charlie Toutain ? Ça va bien. Ben bah écoute, c'est bien, midi 8 pour midi, c'est pas mal. Ouais, on a connu pire. Bah pour moi, en tout cas, hein, c'est bien. C'est... progrès. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu deviens en ce moment ? Je tente de... J'essaye de me reposer après un gros week-end Kino Cabaret. Non mais vous êtes fous, quoi. Ouais. Vous voulez vous reposer pendant la semaine de l'impro, c'est pas cohérent. Bah c'est vrai que c'était vraiment con de ma part de dire « Ouais, je serai là à midi demain, pas de soucis, ouais, Kino Cabaret, pas besoin de me reposer et tout. » Ça nous fait plaisir en tout au cas kino, que... dormir, c'est tricher. Que tu aies pu effectivement t'extirper de ton couchage. Et bien sûr, allez, on parle déjà un petit peu de la programmation parce qu'elle est assez dense et on va déjà parler de ces deux jours à venir puisqu'on vous parlera de tout ça au fur et à mesure de la semaine. Alors bien sûr, ce week-end, il y a eu le famous Kino Cabaret, plus de 40 films que vous pourrez redécouvrir évidemment. Il y avait hier, et on les salue, Billy Mini, Double F et... Ce soir, on débute, c'est la journée un peu calme de la semaine de l'impro. C'est justement Apéro Impro ce soir et surtout la jam session à 20h, ça se passe à la plantation. Et vous pourrez donc venir même jouer, hein, jouer tout le monde peut. Tout le monde peut jouer, c'est gratuit. On se propose et puis on fait une jam tous ensemble, un espace de jeu, scène ouverte, débutant confirmé, tout le monde peut venir. C'est ça aussi qui est sympathique. On parle de demain, bien sûr, tout à l'heure, et aussi, mais les stages. Est-ce qu'il y a déjà un stage aujourd'hui, messieurs ? Oui, je crois, non ? Il y en a deux même. Il y en a deux. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est ? Il y a le stage de Flavien Repère. Oui. Et le stage de Fabio Maccioni, dont je me suis extrait. Qui ont joué hier, effectivement. Oui. C'est-à-dire que les deux ont joué hier, petit spectacle. Donc, effectivement, est-ce que les stages sont complets ? C'est la question que je pose. Je crois que oui. Hein. Les stages sont complets ? Non, pas tous. Ah, il y a oui. Encore des places. Dépêchez-vous, alors, courez. Alors, comment on fait pour s'inscrire ? Il faut aller sur le site internet improfestival. D'accord. .gimdo.com. Non, .com tout court. Improfestival.com. Très bien. Sur votre internet. tapez ça dans votre barre de recherche. Voilà, parfait, très bien. Tout est dit, superbe. Alors, messieurs, est-ce qu'on enchaîne ? Bien sûr, on en profite d'en improviser. Si Charlie est prêt aussi ? Ouais ? Non ? il est toujours Charlie est toujours prêt. Charlie est toujours prêt dès qu'il s'agit d'improviser. Alors, une autre ambiance, on va vous proposer autre chose. Elle est là. Allez, hop, je vous mets ça. Et bien sûr, on improvise dans la foulée. Vous avez pris le principe. On attend aussi vos thèmes sur Facebook. N'hésitez pas, Improstation Fadjet, même demander à un ami. Allez-y. N'hésitez pas. Allez, on y va. Et le petit jingle de départ. Et après, impro. J'ai perdu ma maman. Tu cherches ta maman, petite ? Oui, monsieur le chêne. Eh bien, dirige-toi vers cette clairière, celle qui est éclairée dans la forêt. Vous l'avez vue ? Je n'ai pas vu ta mère, mais tu la trouveras. Oh, ok, c'est très bien. Vers la clairière là-bas, à l'ouest ? Exactement. J'y cours. Ah ! Qui êtes-vous ? Vous ne parlez pas ? Vous êtes une sorte de grosse pierre. Écoutez, je vais vous embarquer avec moi. Si vous voulez parler, vous parlez quand vous voulez. Ça marche ? Très bien. Allons-y. Que viens-tu faire par ici ? Présente-toi tout d'abord. Vous êtes quoi comme monstre ? Vous êtes gobelin ? Nous sommes un monstre à deux têtes. Oui, oui. As-tu déjà vu des gobelins à deux têtes, voyons ? Non, je n'ai jamais vu de gobelin. Alors nous ne sommes pas des gobelins, nous sommes un monstre à deux têtes. Très bien. Nous sommes un bitroll. Je cherche ma maman. Oh. Une maman. Une maman. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Nous n'avons absolument pas vu de maman traîner aujourd'hui. C'est la voix de ma mère que j'entends. C'est plutôt mon ventre qui gargouille. Oui, nous les bitrolls avons des ventres qui crient famine, au sens propre. Petite Pierre. Justine, c'est toi ? Oui, c'est moi, maman. Tu es où, dans le ventre ? Il m'a bouffé. Petite Pierre, je suis désolé, je vais te jeter à l'intérieur de la tête droite. Ça a l'air d'être celle qui contrôle l'estomac. Mais qu'est-ce qui vient de penser dans ma gorge, là ? Maman, attrape la pierre ! Ah, je la vois, oui. Ça te chatouille. Tape, maman. Je pense que c'est ton estomac, mais pas le mien. Je vais vomir. Plus fort. Maman. Ah, c'est dégueu. Mais pourquoi t'es partie, maman ? Je suis partie parce que j'en avais marre de cette vie. Je ne supportais plus ton père. Je ne supportais plus la vie qu'il me faisait mener. Mais pourquoi papa est juste un simple bûcheron ? Oui, mais aussi... Nous sommes pauvres, tu sais, alors... Pour te sauver, toi... Tu m'as abandonné ? J'ai préféré partir. Chérie, la famille est trop pauvre, nous n'avons plus rien à manger. Nous allons devoir faire un acte qui m'aurait pulsé, mais nous allons devoir abandonner nos enfants dans la forêt. Non. Voilà. Non, je préfère partir moi-même. Oh, eh bien, casse-toi si tu préfères. Merci de le prendre comme ça. Et c'est papa qui t'a demandé ? C'est papa qui a accepté que je m'en aille. Il a été très magnanime. Bon, c'est pas tout ça, bitrol, mais si on allait manger quelque chose d'autre... Oh, oui, je suis sûr qu'on trouverait quelque chose. Bon, il me semble apercevoir une petite fille toute de rouge vêtue. Oh, parfait, vite, allons lui faire le coup. Monsieur Troll. Quoi ? Ouais. Ma maman et moi, on n'a plus de papa. Ouais. Vous avez pas de maman et vous avez pas de petite fille. Non. Du coup, il y a peut-être moyen de recréer une famille ? Ouais. Une famille de trolls ? Non, une famille troll humaine. Une famille troll humaine ? Oui, on sera la première famille de la forêt. D'accord. L'idée est séduisante. Ok. Ouais. Et je dois reconnaître que Ce troll à deux têtes ne me laisse pas indifférente. Je ne vous regarderai pas, maman. J'irai me cacher avec la pierre. Lequel d'entre nous tu vas choisir, jeune dame ? Je ne veux pas assister à cette discussion. Je m'en vais vers la rivière me laver. Je ne peux choisir. Je prends les deux têtes. Le seul corps. Tu ne seras pas déçue, tu ne seras pas déçue. Oh oui, rendez-moi heureuse. T'as bien fait de la couper là. Oui, c'est jeu. Ça partit un peu aux cacahuètes. Eh bien, bravo, là aussi, les ambiances sont respectées. Et on sent hein, cette connivence tout un. Ouais, ça marche pas mal. Bravo et vous, bienvenue à tous ceux qui viennent nous voir et nous donnent des thèmes sur Facebook. On va utiliser cela. Alors, je regarde juste. Victoria, c'est toi qui as mis ces chansons-là à passer ? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi ? Non. Et pourquoi c'est là ? Ah, c'est peut-être Yves alors. Hein, d'accord, bref, on le salue, Yves, qui est là aussi dans les studios, pas loin. Ça va, messieurs ? Alors, bien sûr, on parlait de la prog à venir. On disait des stages aujourd'hui, ce soir, de la jam session. Quelqu'un va ce soir à la jam session ? Peut-être. Oui. Peut-être en fonction de l'état. De l'état de fatigue. D'accord. Et donc, Laurent, toi, tu seras. Ah, la fatigue ou pas, j'y sais. Et d'ailleurs, tu seras aussi amené aussi avec plaisir. Aussi, on peut tourner aussi à l'animation. Ça peut être sympa. On peut jouer. On peut même animer un petit peu. Eh bien, ça, avec grand plaisir. Là, je te le propose en direct. Voilà. Comme ça. Eh ben, écoute, ce soir, tu peux être à l'anime. Passez-moi le contrat, je signe. Jimmy sera content, je crois, que tu puisses participer avec plaisir. Donc, ça, c'est ce soir à 20h à la plantation. C'est près de la gare. Je sais pas la rue, mais elle est pas loin. En face de l'énorme tour de Nancy. J'aimais les annonces. Pas la rater. C'est le mec qui donne juste une adresse et il nous fait un film avec ça, quoi. Très bien, c'est ça. Voilà, donc on peut pas le rater. C'est fort sympathique. On va forcément passer un bon moment. Alors, on va continuer. Alors, oui, je disais une petite pause musicale, pourquoi pas. On va mettre ça très court, hein, pas trop long, parce que ce qu'on veut, nous, c'est improviser, bien sûr. C'est Oasis, sans doute le choix d'Yves. On le salue. Don't look back in anger. Ça veut rien dire, je sais pas. J'adore si mon accent anglais. Ouais, il est juste pourri. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on se retrouve juste après pour improviser, bien sûr. Et on va utiliser vos thèmes, évidemment. À tout de suite. Oasis dans Improvisation. Et bien sûr, on fera une autre pause musicale tout à l'heure. Comme on le disait, c'est la semaine de l'impro, on est en direct du 30 avril au 7 mai, la semaine de l'impro, l'événement d'impro à Nancy. Et aujourd'hui, nous avons déjà, avec grand plaisir, nous accueillons Jim, Charlie, Thomas et Laurent. À côté de moi, Victoria, que vous retrouvez bien sûr aussi tout au long de la semaine, à cette place même. Et bien sûr, midi 22. Bon appétit à vous, on va improviser et il est rare qu'on puisse manger en écoutant de l'impro et nous on le fait. Et c'est ça qui est bien. Voilà, tu vois, sur là. Eh, classe, hein, t'as vu comment j'ai fini là sur. Vas-y, super. N'importe quoi. Allez, on remercie aussi à ceux qui sont là sur le Facebook. Vous avez donné des thèmes. Et Greg, Tom, on te salue. Jérôme Souchon, Pierre Lagrange, on vous salue. Et on va prendre déjà un thème de Greg, Tom. Ah, pardon, vous êtes là. Hé, hey, Greg. Hey, Greg, Tom. Mais, Laurent, quand tu cries, tu te recules. Je te le dis plus. D'accord ? Parce que le rouge est. Hey, ça fait... Voilà, c'est mieux. Ça fait mal aux oreilles. Merci, Laurent. Allez, le thème suivant. Je reviens tout de suite avec une ambiance de lieu que vous allez reconnaître très vite. Je reviens tout de suite. Voilà votre thème, jeunes gens. On y va. Lancement de l'impro. Scalpel. Scalpel. Bistouri. Bistouri. Bon, excusez-moi, mais une envie pressante. Oh. Le docteur Merlin est demandé rayon fruits et légumes, le docteur Merlin. Oui, je... excusez-moi, je... Mais, je... Oui. Je me permets quand même, c'est ma première journée aussi, aujourd'hui, et c'est peut-être un peu risqué de me laisser tout seul en pleine opération. Écoutez, je vous ai vu travailler. Mais, je vous fais confiance. Je me suis juste lavé les mains. Oui, mais vous avez très bien fait, voyez. Vous avez déjà les bons gestes. Je voudrais pas vous déranger, docteur, mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre malade. Oui, eh ben écoutez, mais récupérez-le, je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille. Alors je reviens dans 5 minutes, hein, c'est pas la question. Pas plus, d'accord. Parce que là, il est voilà. En pleine hémorragie. Ouais, mais il faut que j'y aille, c'est urgent. Je suis donc en charge de cette opération. Je vous laisse toute la responsabilité de cette opération. Oh mon Dieu. Alors là, comme nous pouvons le constater, le patient saigne beaucoup. Abondamment. Abondamment. Comment faire ? Pouvez-vous mettre vos mains sur la plaie ? Oui. Ça peut peut-être marcher. Je vais mettre carrément mon doigt dans le c'est chaud. Alors, je vois que ça saigne encore plus. C'est génial. Je me suis trompé d'orifice, pardon. Je vais le mettre juste à côté. Ah voilà, c'est mieux. Excusez-moi. Oui. Normalement, ne faut-il pas anesthésier avant ? Parce que ça pique un petit peu. Oh. Ah, oups, oui, non, la bourde. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je suis désolé. J'ai regardé plusieurs épisodes d'urgence la semaine dernière, mais rien ne me revient en tête. Frappons-le au visage, peut-être que. Ce serait gentil, oui. Je vais lui remettre une petite dose parce que je crois que l'opération ne dure un peu plus longtemps que prévu. Voilà, notre patient est donc là maintenant. Décédé, je crois. Mais... Comment ça ? Non, écoutez, le cœur bat encore. Hein, rien n'est perdu. Il faut recoudre la plaie. Je n'ai jamais été très très bon en couture. Est-ce que quelqu'un ici a déjà, je ne sais pas, recousu une chaussette, quelque chose ? Madeleine ? Oui ? Je crois que vous avez un certain coup de main pour tout ce qui est reprise. Oh, c'est vous qui dites ça. Ça me fait plaisir, ça me touche. Mais écoutez, je veux bien vous filer un coup de main. Eh bien, allez chercher votre petit nécessaire à couture. Je l'ai toujours sur moi, dans mon sac, bien sûr, bien évidemment. Faites-nous une belle couture, je vais vous faire une belle suture. Une belle suture en croix, juste ici au niveau de l'abdomen, c'est ça ? Oui. Ok, regardez. Oh, c'est joli. Et voilà. C'est très très beau, ça me donne une petite idée. Je me dis que vous pourriez peut-être faire un motif en broderie. Et exactement, comment s'appelle le patient ? Je peux broder son nom juste ici, Jean-Pierre, sur sa blessure. Jean-Pierre Cerf. Alors, Jean-Pierre Cerf, c'est un petit peu long, c'est un petit peu ringard. Je vais mettre J-P, J-I-P-E. C'est mon côté Jones, voilà. Hein. J-I-P-E, voilà. Oh, c'est J-P. Joli. C'est J-P. Très beau, cette petite... Ah, voilà. Il va être content, ça me donne plein d'idées. Hein. Ça va beaucoup mieux. Bon alors... Allez. Où en est-on ? On a recousu le malade. Mmh, très très bien, très très bien, très très bien. Mais, excusez-moi, mais il ne saignait pas avant au niveau du front ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que nous avons utilisé nos techniques récentes et toutes nouvelles en ce qui concerne l'anesthésie et je pense que nous avons dosé un tout petit peu trop fort. Ah oui, bon bah il dormira un peu mieux, c'est pas, pas bien grave, c'est pas bien grave. Bien, voyons voir un petit peu. Oh, mais c'est joli ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une broderie. Fait... Oh. Voilà, c'est fait maison. Si ah, vous c'est voulez. Vous qui. Oui, je fais aussi des napperons, des petites écharpes, des bonnets, des chaussettes. C'est incroyable, mais c'est magnifique. Vous êtes le docteur Merlin de la télé? C'est moi. je vous ai fait une petite nappe, tenez. Oh. Avec un petit cœur. Oui. Oh. C'est votre côté cardiologue. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, justement, cette opération du cœur, qu'est-ce que ça donne? Je crois... C'était le cœur qu'il fallait opérer? Oui. Ah oui? Je vous ai pas dit? Non. Nous, on avait une plaie, on s'est occupé de la plaie. Je veux dire... Ah oui? Ah non, oui. Ah, ben et non. Qu'est-ce que je fais de cet appendice? Ah, alors... Ça ne servira plus de toute façon. Hein, sinon, je peux lui broder un cœur? Ah bah oui, faites ça. Oui, c'est très bien. Et voilà, brodez-lui un cœur. Je vais lui broder un cœur. Voilà. Hop, et voilà. C'est une opération rondement menée. Écoutez, vraiment. Si vous pouviez broder un cerveau au docteur Morin, ce serait peut-être bien. Un cerveau? Oui. Pourquoi faire? Vous avez... Juste que le cœur s'était arrêté de battre, hein, mais tout le monde s'en fout. Hein, le truc était on est d'accord des... qu'on était dans un Lidl ou un truc comme ça. Alors, effectivement, le son de départ était qu'à supermarché ouais, okay. Que j'ai transformé en bip hôpital. Voilà. Okay. J'ai cru qu'on était dans un sous-marin, moi. Aussi, tu peux avoir un supermarché. Ça peut être. Bien un hôpital. Ouais. Alors, écoutez bien, c'était mais le son là, écoutez bien. Un peu de monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a du monde derrière, il y a un petit peu des sachets. Plastique, tout ça. Il y a de la promo. Là, on sent qu'il y a de la promo sur la mousse de foie gras. Ah non, mais maintenant, ça me confirme. Le dit, ça confirme. C'est clairement dans du médiéval. Vous n'avez pas suivi. Ah là là, ils sont foufous. Tiens, alors bien sûr, on en parle également, bien sûr, à venir. Donc ce soir, on l'a dit, moult dit, ce soir, jam session. Demain soir, mercredi, au théâtre de la Foucotte, toujours c'est rue de la Foucotte, vous ne pouvez pas vous tromper au début de la rue. Demain soir, le Clou Spectacle vous propose Grève de comptoir à 20h, cette pièce de théâtre improvisée, un bar, quatre personnages, et bien sûr vos thèmes en tant que thèmes d'actualité qui seront traités. Suivi à 21h30 de Rugueux par Christelle Delbrook, une improvisatrice bruxelloise qui est juste énormissime, que j'adore. Qui peut m'en parler un peu de Christelle, qui la connaît, qui a envie de nous dire que du bien? Moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps au Mondial d'impro au Havre, auquel j'ai participé. Et effectivement, je trouve que c'est une improvisatrice géniale et excellentissime. Oui, avec une belle personnalité, géniale. Qui la connaît aussi, les garçons, vous la connaissez? Je la connais de nom, de réputation. Ah, bah, exactement. Et c'est exactement la même réputation, je ne l'ai jamais vue, c'est pour ça que je vais la voir demain. Tout pareil que Thomas. Charlie? Moi, j'ai pu la croiser un peu à Bruxelles, c'est en effet une des meilleures improvisatrices que je n'ai jamais vues. Ben voilà. Alors là aussi, si ça vous donne pas envie, franchement, moi j'avais vu il y a très longtemps au 225 heures de l'impro, et elle improvise avec rien. Avec et brio c'est juste, et fracas. C'est juste génial. Donc voilà, ça c'est demain, c'est à ne pas rater, tout simplement. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Midi 30 précisément, on va faire une petite pause tout à l'heure, on va continuer. Je vais maintenant caler également quelque chose de chanter. Mais c'est vous, messieurs, qui allez chanter, mais oui, c'est ça qui est bien. Charlie est tellement content. Regardez, Jim dit non, Charlie dit non, Thomas dit bon, allons-y. Il faut le faire. Et Laurent a un regard. Ah, Laurent pleure. Oui. Alors par contre, on va baisser les potards parce que je pense que ça va monter grave. Alors, bien sûr, on va prendre vos thèmes. Merci d'être là, ceux qui sont là. Le thème sera Weed Side Story. Merci. Qui a proposé ça? Jérôme Souchon. Voilà. Weed Side Story. Maintenant, je sais pourquoi je n'aime pas cet individu. Voilà, c'était mieux. Et sur le son, bien sûr, sur une instru que vous allez forcément reconnaître très vite. Oui. Déjà, je lance le jingle et on y va. Bon courage pour ceux qui sont en train de manger. Hein. Résistez. Les gars, assurez. Fais tourner. Ouais, mec. Hey. Fais tourner, c'est de la bonne. Je pleure. Regarde-moi cette bœuf. Je vais la rouler dans du papier. Ouais. Hey, come on, passe-moi le briquet. Yeah. Je vais prendre la beuh, je vais la mettre dans le papier. Allez, vas-y, Emile. Ah, oh, t'es trop défoncé, Emile. Ah, le but, c'est de faire une histoire avec ça, quand même. c'est ça, allez. On se roule sur le canapé, les gars. On est défoncé. Habille-toi, maman. Qu'est-ce que tu fais toute nue? Je suis toute nue, ouais, mon fils, parce que j'ai fumé. Alors, on m'ouvre ou pas? Si tu veux, vas-y, passe-moi le ouinge, passe-moi le gros ouinge, et ensuite on le fait tourner. On fume de la bonne. Que plus personne ne bouge, inspecteur de Breuil de la brigade des stupes. Oh merde, les gars, planquez le matos. Que fait cette femme toute nue sur la banquette? C'est ma mère, commissaire. Ne la souillez pas, s'il vous plaît. C'est ma mère. Elle est malade. Elle va pas bien. C'est là que tu peux pas la prendre pour un best-of, tu vois. Allez, conclusion. Tous ensemble. Allez les copains, ouais. La main. Cette okay. Femme. Allez commissaire, donnez-nous la main. Femme, elle est comme femme. Ce joint, elle est drôlement bien roulée. Et oui, car c'est ma mère, elle s'appelle Christine. Elle est bien super méga roulée. Roulée comme un joint. Comme un joint. Comme un joint. Elle défonce. Comme un joint. Ma mère s'appelle Christine. Comme un joint. Elle est bien roulée. Comme un joint. Comme un joint. Et elle va tous vous faire fumer la tête. Vous allez halluciner. Et regardez, commissaire. Vous êtes en train de danser, commissaire. Oui. Je retrouve le plaisir de ces danses de ma jeunesse, le Charleston. Allez, le tenez, bebop. Commissaire, fumez merci. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, oh, mais oh, c'est beau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai envie de me déshabiller. Vous êtes en train de planer. Oh, vous planez, commissaire. Je plane, oh, qu'est-ce que c'est bon. Vous vous envolez dans le ciel. Dans le ciel. Ma mère, elle est bien roulée, comme le joint que vient de fumer. Commissaire, je vous propose d'y aller. Prenez cette porte. Allez, on danse. On s'arrête là. Ah. Je tends à espérer que Fabienne, la directrice, est partie à acheter son sandwich maintenant. Parce que sinon, on finit pas. Elle a bien fait. Je tiens à remercier beaucoup Charlie et Laurent qui nous ont beaucoup soutenus dans cette impro. Ouais. C'est toujours un plaisir. En fin de compte, je prends l'entière responsabilité de cette impro puisque c'est moi qui ai balancé un thème qui était de toute façon désolé, n'importe quoi. Mais bah après, non, il y avait moyen de le traiter autrement. On peut partir sur le côté médiéval du truc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors effectivement, vous avez reconnu bien sûr tous nos acteurs et toutes leurs voix hein, qui sont dédiées à la chanson proprement dit. Ben voilà, c'était une petite pause. Il faut penser à 12h30 de prendre un dessert et ça peut être un dessert. En tout cas, merci. On ne la refera pas celle-ci et donc celle-ci Victoria pour le best-of, tu l'oublies. C'est vrai. Quoique. Bah, ça peut être quand même, si, ça peut être drôle quand même. Allez, 12h36, on enchaîne, bien sûr. Alors, à force de parler de médiéval, on va quand même lui en coller une. Parce que, hein, il aime bien. Alors, attends, pendant que je cherche. Du coup, il va la faire toute seule. Est-ce qu'il y a des infos à passer pendant que je cherche? Est-ce qu'il y a des infos à passer sur la semaine? Est-ce qu'il y a des particularités, des choses qu'on n'aura peut-être pas encore dit, sachant qu'on parlera de la programmation au fur et à mesure? Mais est-ce qu'il y a des choses en ce début de semaine qui ne sont peut-être pas officielles? Des choses non officielles, est-ce qu'il faut... Tu veux dire des choses qui ne seraient pas prévues? Oui. Dans le programme? Oui, est-ce qu'il y a du... Il y a une semaine de l'impro et de l'imprévu. Il y a toujours de l'imprévu. Il faut venir au spectacle et il y a toujours peut-être un petit spectacle surprise qui se greffe à la fin. Et oui. Comment on fait, au fait, pour ceux qui nous écoutent et qui, après cette impro, ont vraiment envie de venir? Il faut réserver les places? Comment ça se passe? Ouais, sur internet, donc sur improfestival.com, on peut réserver les places. Ouais. Il faut... Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, il faut aller sur... Il doit être écrit « Réservez votre place ». Voilà, ah bah c'est bien. À chaque page du spectacle, il y a les spectacles, il y a les descriptifs, vous savez tout, il y a toutes les infos, c'est beau, c'est bien foutu, et vous pouvez réserver votre spectacle, voilà. Très bien. Le nombre de places, tout ça, et voilà, après vous êtes tranquille, vous avez votre place. Très bien. On salue Damien Dejoie qui dit « Bordel, je ne suis pas là », ça peut être un thème. on peut. C'est qui Damien Dejoie? Je ne sais pas qui c'est. Un mec médiéval. Ah ben tiens, ça va être ça. Ça va être votre thème pour cette improvisation médiévale. Merci Pierre qui nous balance aussi. Alors quoi, qu'est-ce qu'elle dit Aude qui est à Bordeaux, on la salue. Le radis de ma mère est surnaturel. Tu mettras un S à radis, Aude. Voilà. Allez, on commence avec Bordel, je suis pas là, en mode médiéval. On y va tout de suite parce que c'est ça qui est bien. Fort longtemps que j'attends une réponse à toutes ces questions. Pourquoi suis-je ici? Je n'en sais rien. Dieu, auriez-vous répondu à ma prière? Bordel, je ne suis pas là. Ah, il me semblait bien. Oui, ça me paraissait étrange. Mais d'un autre côté, il me semble tout de même avoir entendu une voix. Dieu, vous êtes sûr que vous n'êtes pas là? Dieu? Me voilà donc rassuré. Cela tombe bien, c'est juste avant l'arrivée de la grande messe et de toute la populace du village. Cela serait troublant si Dieu était dans mon église, véritablement. Monsieur l'alchimiste! Oui? Il y a un problème dans la cité. Quel genre de problème? Un énorme dragon vient d'arriver sur la grande place. Un dragon? Oui. Si vous pouviez communiquer avec Dieu pour qu'il fasse quelque chose comme d'habitude, à peu près, je sais pas, toutes les semaines, vous arrivez à créer un miracle. Oui, je vais tenter quelque chose. Dieu, s'il vous plaît. Ouais. Ah, bah vous êtes là, en fait. Bordel, je t'ai dit que je n'étais pas là pour personne. D'accord. Je ne suis plus là pour personne et pour un bon moment. Ça peut peut-être se négocier, je veux dire, je sais pas. Il y a un dragon qui fout le bordel dans le village. Un dragon? Oui, un dragon, je savais même pas que ça existait, mais il y a un dragon. Le symbole du mal. J'aime à lutter contre cette chose. Ah, voilà, vous voyez que quand vous voulez... Je vais te donner... à la fois un conseil et une arme spéciale. Ah, c'est beaucoup ça, c'est cool. Alors le conseil, ce sera devant le dragon, ne te retourne jamais. Ok, facile à retenir. Et l'arme, c'est un bouclier entièrement inifugé qui te protégera de du souffle du dragon. Ah, je ne vous cache pas une légère déception, j'aurais aimé une épée, quelque chose pour le planter, je veux dire. Alors pour ce qui est de l'épée, il faudra que tu ailles voir quelqu'un d'autre. D'accord, ok, ça, c'est une nouvelle quête à rajouter, très bien, je m'en charge tout de suite, vite, ok. Tiens, bah ça alors, un forgeron, c'est complètement fou dans le village. Il me faudrait une épée en vitesse pour pouvoir combattre le dragon. Qu'est-ce qu'il te faut comme épée Je sais pas, une épée à dragon, vous devez avoir ça, non? J'ai des épées à dragon, mais c'est quoi comme type de dragon? Parce qu'il y a plein de sortes de dragons. Hein. Alors, d'après... Là, il est en train de gueuler, en plus, Oui, c'est ce genre de dragon. Je sais pas, je l'imagine vert avec... il crache du feu, quoi. Voilà, regardez, il est dans le ciel, il est en train de s'envoler, là-bas. Voilà. Alors, vous voyez, vous me conseilleriez plutôt quel type d'épée? Ça, c'est un dragon à crête argentée, du coup, tenez, hop, voici... Voici l'épée de dragon à quête argentée. Faites attention, si je peux vous donner un conseil, vous devez attaquer le dragon de face. Hein. Ça ne marche pas de dos pour ce type de dragon. Oui, c'est super ça, voilà. Voilà. Parce qu'en plus, je ne dois pas reculer. C'est une très bonne chose, merci du conseil. De rien. À vous, vous êtes le champion de la cité. Bon courage. Merci. Alors, jeune chevalier. Oui, bonjour. Qu'en est-il de ta quête et ta lutte contre le dragon? J'avance à grands pas. J'ai une épée, j'ai un bouclier, j'ai des bons conseils. Et je ferai bien d'arriver. Je crois que la population est en train de périr lentement. Alors ne me dérange plus. Ah, voilà, très bien. Oh là! Je vais tout cramer. Ville dragon, Forban, viens, approche-toi par ici. Qui es-tu qui ose me défier? Je suis l'alchimiste du village, hein, et partiellement en communication avec Dieu. Quoi? Mais oui, je suis un bon ami à Dieu, en fait. Je t'ai dit que je n'étais là pour personne. Oui, mais bon... Tu parles à Dieu? Ça m'arrive, ouais, on échange, on papote un petit peu, hein, c'est cool, on check et tout. Ah oui, mais ça va compliquer légèrement la chose. Ah. Il a dû lui donner des conseils. Il faut que je ruse. Oh, regarde, derrière toi. J'aurais beaucoup aimé pouvoir me regarder derrière moi, mais j'ai reçu des conseils. Vous ne m'aurez pas de la sorte, il vous faudra plus ruser. Et si c'est moi qui me retourne? Oui, retourne-toi, vas-y, regarde, il semble qu'il y ait quelque chose derrière toi. Quoi? Et ben voilà, tu vois, hein, tu t'es fait avoir par une pauvre épée dans le dos. Voilà donc le nouveau sauveur du village, c'est génial. Est-ce que vous avez laissé quelques survivants? Il en reste deux. Ah, ben c'est toujours ça de prix, c'est cool. Hein. Attendez, je peux peut-être faire quelque chose. Hein. On va le tuer, ce dragon là. Écoutez. Rien à foutre. Alors, bon, maintenant, je vais peut-être rappeler. Dieu, oui. Ouais, je suis désolé, je te taxerais bien encore un petit miracle juste avant de partir. Est-ce que tu pourrais... Quel genre de miracle? Oh, bah, tu peux redonner sûrement la vie à tous ceux qui se sont fait bouffer par le dragon, ça serait cool. Il n'en est pas question. Oh, allez, un petit appui. Je t'ai dit que je n'étais là pour personne. Bordel, je ne suis pas là. D'accord, j'ai compris, mais vous pouvez le faire genre je suis pas là, mais je le fais quand même parce chérie que... Ah. Chérie. Oui. Tu peux revenir s'il te plaît, on en a marre des humains. J'arrive tout de suite. Bon, c'est dommage pour moi, mais tant pis, je vais rester seul avec les deux survivants dans ce village. C'était pas du tout médiéval, je comprends pas. C'était très bien. Voilà tout. Et voilà, 12h43, c'est aussi simple que ça, on les lance et c'est parti. Merci à vous aussi qui êtes présents à l'écoute et sur Internet aussi. On salue le sud de la France, le sud-ouest, ça fait plaisir. Cécile Jess aussi, tiens, qui est toujours à La Réunion, on la salue. On avait aussi une édition spéciale Chloé Bernard ce week-end, qui est au Québec, comme quoi on nous écoute de partout, j'en suis persuadé. Midi 44, une petite pause musicale assez rapide et bien sûr on termine cette émission avec de l'impro. Là tout de suite c'est Japanese Pop Stars. Ça va envoyer, ça va vous réveiller avant d'aller au boulot, ça sera pas mal, ou autre, hein, d'ailleurs, pour ceux qui se réveillent aussi. Bon lever. Allez, vous êtes bien dans Impro Station, et c'est la semaine de l'impro. Keep control, just relax and let go, let go, let go, let go, let go, let go. The Japanese Pop Stars, Let Go. J'espère que ça vous a réveillé pour vous lever, certains d'ailleurs, ceux qui ont fait le kino, je pense, certains sont encore en train de récupérer. Les chanceux, les vénards. Les chanceux. Merci à vous d'être là, messieurs, parce que tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui ont fait effectivement le kino. Voilà. Toi compris. C'est les plus vaillants. Oui, c'est vrai. Ouais, un petit peu moins que vous, hein, j'étais un peu moins présent, mais j'étais là aussi avec grand plaisir. Et l'an prochain, je vais apprendre à monter pour l'an prochain, parce qu'il y en a marre d'avoir des idées et de ne pas pouvoir les mettre en image, et maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc le kino, pour ceux aussi, pas besoin d'être improvisateur, mais pour tous ceux qui ont envie de faire du film, de se marrer, d'avoir un lien, de aider les autres à tenir une caméra, à avoir une idée, à jouer, c'est ça le kino, 40 personnes, hein, c'était je crois cette année, n'hésitez pas, c'est une fois par an à Nancy. Et ça nous fait bien plaisir. C'est vraiment une chouette expérience à faire. Ouais, avec des rencontres, hein, n'est-ce pas Laurent, sans doute? Je confirme, oui, tout à fait. Ah oui, oui. Tu veux en dire plus? Attends, vas-y, vas-y, je baisse un peu le son. Il n'y a rien de plus à dire, c'est un beau moment où on rencontre plein de gens. Mm-hmm. Ouais. Et voilà, c'est cool. Ouais. D'accord. Tu auras de beaux souvenirs en tête quand tu vas rentrer à Besançon, c'est ça? Oui, dans la tête et dans le cœur. Ah, bon. Que c'est dans le cœur. Oui, je savais que t'allais dire ça. Allez, on y va. 12h48, bien sûr. On improvise. Merci d'être parmi nous. On y va tout de suite. Et là, on va prendre donc le thème de Aude qui disait « Le radis de ma mère est surnaturel ». Merci, Aude. Le radis de ma mère est surnaturel. On la salue. Elle est près de Bordeaux, là, cette heure-ci. Allez, on y va avec... je vais vous proposer comme ambiance. Je vais vous proposer un son. Un son de départ. Et vous en faites après ce que vous voulez. Attention, c'est parti. Je suis bien là. C'est là. Baf, c'est parti. Mon radis, mais je l'entends. Mais... Mon radis pleure. Oh, c'est fou, ça. C'est fou. Calme-toi, mon petit. Calme-toi. Écoute, je n'ai jamais consolé un radis. Eh bien oui, chers téléspectateurs, vous n'avez pas rêvé. Ces propos ont bien été entendus ce matin. Et il est question... effectivement d'une mutation du radis. Alors, avec moi aujourd'hui dans l'émission botanique et nucléaire, j'ai deux spécialistes, oui. Professeur Faisan, oui, tout à fait, oui. Et le journaliste d'investigation Thomas Piccoli. Thomas Piccoli. Alors messieurs, il s'avère que nous sommes face à un danger, un problème? Eh bien, pour être totalement franc, nous ne pouvons pas encore totalement déterminer si nous sommes face à un danger, un problème ou une simple évolution qui tendrait à... Tout de suite, la langue de bois, on est quand même d'accord que c'est de la faute des OGM, tout ça. Je vais devoir vous interrompre. Parler l'un après l'autre, sinon le débat est totalement incompréhensible. Alors, j'aimerais juste ajouter un point, c'est que Monsieur Faisan détient des parts de marché dans la société Radis Magique, qui est quand même une société... C'est totalement faux, Monsieur Piccoli. Monsieur Faisan, on le sait tous, on a vu les vidéos sur le web. Monsieur Faisan, vous ne pouvez pas dire le contraire. On a vu des émissions, on vous a vu vanter les mérites de certains produits, des pesticides... Absolument pas. Je préfère clarifier la situation tout de suite. Je suis contre les OGM, même si je suppose, je constate que les OGM de la marque Stompfan sont vraiment d'excellents. Une marque qui vous appartient? Absolument. Alors, monsieur pas. Faisan, non. J'aimerais juste ajouter un point, c'est que vos radis, il commence à prendre vie. Vous avez quand même développé une équipe de handball constituée entièrement de radis que vous avez inscrit dans la Ligue humaine. Oui, et il n'y a absolument aucun point qui stipule qu'un radis ne peut pas jouer dans une équipe de handball. Oui, mais c'est quand même une ligue humaine, vous êtes d'accord, non? Oui, je suis tout à fait d'accord. Non. Il est juste question d'une ligue non mixte homme-femme. Voilà, pour mon radis. Parce que voilà, moi en attendant, j'ai un radis dans la maison. Nous sommes en direct avec la personne qui nous a témoigné ce matin. En duplex. Oui. Je vous écoute, Madame Jacqueline Berthier. Oui, nous vous écoutons. Voilà, écoutez, j'ai un radis actuellement. Je ne sais que faire. Je ne sais comment m'adresser à lui. Il est là. Il pleure depuis maintenant une demi-heure. Et je ne sais que faire. Alors, voilà, je vais passer la parole au professeur, puisque apparemment, c'est lui le créateur de cette nouvelle créateur, ne me flattez pas trop. engeance végétale. Alors, il serait question donc d'un radis qui parle. Oui. En tout cas, qui parle, mais qui n'entend pas. Et pour l'instant, il n'entend pas encore. Mais son évolution sera fulgurante. Hein. Vous êtes face à une intelligence qui, d'ici quelques heures, deviendra supérieure à la vôtre. Hein, prenez-en conscience. Et monsieur Faisan, alors je suis désolé, mademoiselle Jacqueline, vous êtes au bout du fil, c'est ça? Oui. Voilà, monsieur Faisan, c'est quand même inquiétant, ces propos. Absolument pas, ce n'est pas inquiétant. C'est une forme de vie qui évolue à une vitesse rapide. Et donc, dans quelques années. Il grossit, il a triplé de volume. Oui. D'un seul coup. Vous savez qu'hier, la ville de Roubaix, dans le nord de la France, a été ingérée par un radis, car il a pris une proportion énormissime. Oui, bon, donc vous êtes responsable de ça. Ce sont des choses qui arrivent. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et au même titre, nous ne faisons pas des radis sans détruire des villes. Son regard est menaçant. Madame Berthier, allez vous enfermer dans une pièce, s'il vous plaît. Prenez une arme. Ok, si jamais vous voulez le fuir, prenez une petite noisette de beurre. Hein, ça lui rappellera des mauvais souvenirs. Hein, les radis ont une certaine appréhension dès qu'ils voient une noisette de beurre. Oui, okay. Sauf que quand un radis fait plus d'1m80, ce n'est plus une noisette de beurre qu'il faut avoir, c'est carrément une motte gigantesque. Une motte. On est d'accord. Madame Berthier, qu'est-ce qui se passe? C'est du beurre salé. C'est une très bonne chose. Hein. Je ne peux que conseiller l'alliance beurre salé radis. D'ailleurs, je me permets au passage de vous dire qu'un bon morceau de pain et du beurre, ainsi qu'un radis. Excuse, professeur, mais là, vous essayez de noyer le poisson, vous changez de sujet. Absolument. Il y a une réelle crainte dans le devenir et dans l'avenir de tout ce qui sera végétal. Alors là, c'est un radis parlant, mais à quand le concombre marchand? Absolument pas. J'en parlais encore hier. Ça approche. Madame Jacqueline. Voilà, nous allons, grâce à vous, monsieur Faisan, nous allons quand même assister peut-être à un meurtre. Mais absolument pas. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il a des enfants? Il a attrapé un couteau dans la cuisine. Voilà. Et alors maintenant, ce radis possède des bras. Je suis désolé, mais ça devient n'importe quoi. Alors, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais il faut quand même une solution radicale. Quoi. Il faut quelque chose qui clarifie le truc là. Madame Berthier, un peu de décence, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que son radis va prendre la parole maintenant. Je ne sais pas. Non, mais je vous vois dramatiser la situation. Rien ne prouve qu'il se passe quelque chose. Elle crie. Bon, c'est des choses qui arrivent. Arrêtez de voir le négatif partout. J'en parlais encore récemment avec ma femme. Hein, vous m'entendez? Je crois que nous avons... Êtes-vous monsieur radis? Oui, je suis le radis. Je l'ai buté. J'ai buté la vieille. Bah voilà, là, c'est une preuve irréfutable. C'est un aveu en direct. Personne ne peut rien contre les radis. Alors, monsieur le radis, je suis désolé, vous venez de faire un aveu en direct à la radio d'un meurtre. Il faut, monsieur Faisan, faire quelque chose. Venez m'arrêter, j'aimerais bien voir ça. Merci pour ce canular, excellent. Vous voyez, il ne faut pas dramatiser. Ce n'était juste une petite blague entre radis. Évidemment que ce radis n'a pas mangé une personne humaine. Bon. Je pensais une conclusion, mais parfait, bravo, bravo. Une histoire de radis, comme quoi tout est possible. Il est 12h55, il nous reste 5 minutes, donc plutôt que de palabrer, bien sûr, toutes les informations sur improfestival.com, ça. N'hésitez pas ce soir, si vous voulez improviser, essayez même avec des gens super sympas, parce que l'improvisateur est souvent sympa. C'est la jam session ce soir à 20h. Demain soir, grève de comptoir à 20h au Théâtre de la Foucotte, suivi de Christelle Lesbrook dans Rugueux. Tout ça, c'est là que ça se passe. Et bien sûr, les stages, toutes les infos sur improfestival.com. Il nous reste quelques instants. On va faire une impro courte qui d'ordre impulsion sonore. C'est-à-dire que vous allez jouer et à tout moment, un son va être impulsé et il faut l'intégrer à l'histoire. D'accord? D'accord. Ça va dépoter. Hein. Okay. Oui. Vous êtes prêts? On est je ne sais pas si vous pouvez tout jouer, mais on va essayer. De toute façon, c'est un laboratoire. Pour cette dernière impro, bien sûr, après, on retrouvera la programmation habituelle et on se retrouve demain, midi, évidemment. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Impulsion, c'est parti. Capitaine, oui. J'aperçois la Terre. Eh ben, très bien. Et du coup, ça fait quand même 2 mois qu'on n'est pas rentré, donc il va falloir quand même prévoir qu'est-ce qu'on va dire aux gens. Ah, ça sonne. Je vous laisse répondre. Hein. Allô ? Allô, ici la vigie, oui. Oui, j'ai cru comprendre que vous alliez arriver près d'une Terre. Je préfère vous prévenir, nous suivons un peu votre évolution, et il s'avère que vous êtes sur l'île des cannibales. L'île des cannibales? Oui, alors rien ne prouve que ce sont vraiment des cannibales sur cette île, on l'a appelé comme ça parce que c'est fun et tout, mais on voulait vous prévenir. Eh bien écoutez, je transmets le message au capitaine. Capitaine, vous avez bien entendu? Oui, j'ai entendu, on arrive sur l'île des cannibales, du coup ça va être en corrélation un peu avec ce qu'on a fait sur le bateau, un petit peu vos conneries. De dire de pas avoir prévu de ration de survie, quoi. Non, mais je sais pas, vous êtes fiers, vous êtes quand même... Ah. La seconde n'est même pas morte, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, je ne sais pas. Il est question de cannibalisme. On s'est entraîné un petit peu avant d'aller sur cette île. Ah, parce que c'était prévu qu'on aille sur cette île? Attends, je suis le capitaine du bateau, je n'étais même pas au courant de ça. Qu'est-ce que j'entends? Un avion? Ah oui, regardez, un avion au-dessus de nos têtes, regardez, avec une méga banderole. Bonne chance, les gars. Voilà. Voilà. C'est des cannibales armés? Je l'ignore totalement. Bon. Monsieur Fouchard, je suis le capitaine, je vais décider un petit peu du truc. On n'est plus que deux. Personnellement, l'île des cannibales, ça m'enchante pas trop. Non. Parce que... Ah! Okay. Allô, ici la vigie, oui, j'écoute. Oui, je me permets toujours en suivant l'évolution de... n'y allez pas. Alors, je sais qu'il y a, il y a de l'argent en jeu, clairement. Je sais qu'on nous a promis apparemment une somme considérable pour aller vivre une semaine sur l'île des cannibales. Maintenant, monsieur Fouchard, est-ce que vous préférez l'argent ou la vie? Je préfère l'argent, bien sûr. Oui, vous êtes je suis vénal, je suis quelqu'un de très très très vénal. Je vous propose que nous débarquions tous les deux sur cette île, que nous restions à peu près une semaine sans rien, sans nourriture, à nous de nous débrouiller, et nous verrons si il reste. Ah. Voilà, monsieur Fouchard. Vous étiez en train de trop parler. Je vous ai tué, et maintenant je vais vous manger. Bon, eh ben à table. Concrètement, là j'ai flingué tout le monde et les gars, Laurent Bousson toujours là, toujours en vie Laurent Bousson. Ah voilà, c'est ça aussi, improstation. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de place, c'est vrai que c'était assez rapide. Et voilà comment improviser moult fois dans une émission. Il est pour nous le temps de vous laisser tranquille. Bien sûr, là, vous retrouvez la programmation musicale, évidemment. Et bien sûr, un prostation demain. Aujourd'hui, nous avions, sous vos applaudissements, nous avions Monsieur Jim Toutain. Nous avions également Monsieur Laurent Bousson. Monsieur Thomas Dessène. Monsieur Charlie Toutain. Victoria à mes côtés, que vous retrouverez demain midi, évidemment. Et nous, on vous souhaite bien sûr une belle semaine de l'impro. À très vite. Ciao, ciao. Bonne journée. Improvisez bien. Salut.